Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des rois, chapitre 17. En la 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna à Samarie sur Israël pendant 9 ans. Et il fit le mal devant le Seigneur, mais non comme les rois d'Israël qui furent avant lui. Salmanasar, roi des Assyriens, monta contre lui, et Osée fut asservi à Salmanasar, roi des Assyriens, et lui payait des tributs. Mais le roi des Assyriens, ayant découvert qu'Osée s'efforçait de se révolter contre lui, avait envoyé des messagers à Souar, roi d'Égypte, pour ne point payer des tributs au roi des Assyriens, comme il avait coutume tous les ans. Il l'assiégea, et il l'envoya lié en prison. Il parcourut ensuite tout le pays, et montant à Samarie, il l'assiégea pendant 3 ans. Or, en la 9e année d'Osée, le roi des Assyriens prit Samarie, et transféra Israël chez les Assyriens, et les conduisit en Hala et en Habor, près du feu de Gozan et dans les villes des Mèdes. Et cela arriva parce que les enfants d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, qui les avait retirés de l'Égypte et de la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils adorèrent des dieux étrangers. Et ils marchèrent, selon les coutumes des nations que le Seigneur avait exterminées en la présence des enfants d'Israël, et selon les coutumes des rois d'Israël, parce qu'ils avaient fait de même que ces nations. Et les enfants d'Israël offensèrent le Seigneur leur Dieu, par des actions qui n'étaient pas droites. Et ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis la tour des gardes jusqu'à la cité fortifiée. Et ils se firent des statues et des bois sacrés sur toute colline haute et sous tout arbre touffu. Et ils brûlaient là de l'encens sur des autels, à la manière des nations que le Seigneur avait transportées loin de leur face. Et ils firent des actions très mauvaises en irritant le Seigneur. Et ils adorèrent les impuretés au sujet desquelles le Seigneur leur avait ordonné de ne pas faire cette chose. Le Seigneur protesta dans Israël et dans Juda par l'entremise de tous les prophètes et des voyants, en disant « Revenez de vos voies très mauvaises et gardez mes préceptes et mes cérémonies. Selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères, et comme je vous l'ai envoyé dire par l'entremise de mes serviteurs, les prophètes. » Et ils n'écoutèrent point, mais ils rendirent leur cou inflexible comme le cou de leurs pères, qui ne voulurent pas obéir au Seigneur leur Dieu. Et ils rejetèrent ces lois et l'alliance qu'il fit avec leurs pères, et les déclarations par lesquelles il protesta contre eux. Ils suivirent aussi les vanités, et agirent vainement. Ils suivirent les nations qui étaient autour d'eux, et au sujet desquelles le Seigneur leur avait ordonné de ne pas faire comme elles-mêmes faisaient. Et ils abandonnèrent tous les préceptes du Seigneur leur Dieu. Et ils se firent 2 veaux de fonte et des bois sacrés, adorèrent toute la milice du ciel, et servirent Baal. Puis ils consacrèrent leurs fils et leurs filles par le feu, et ils se livraient à des divinations et aux augures, et ils s'abandonnèrent à faire le mal devant le Seigneur, en sorte qu'ils l'irritèrent. Le Seigneur donc fut extrêmement irrité contre Israël, et il les ôta de sa présence, et il ne demeura que la tribu de Juda seulement. Or Juda lui-même ne garda pas les commandements du Seigneur, son Dieu, mais il marcha dans les erreurs qu'Israël avait commises. Et le Seigneur rejeta toute la race d'Israël, et il les affligea, et les livra à la main des pillards, jusqu'à ce qu'il les rejeta de devant sa face. Ce qui commença dès longtemps même qu'Israël se sépara de la maison de David, et qu'ils établirent pour leur roi Jéroboam, fils de Nabat. Car Jéroboam sépara Israël d'avec le Seigneur, et leur fit commettre un grand péché. Et les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis, et ils ne s'en écartèrent point, jusqu'à ce que le Seigneur ôta Israël de sa face, comme il avait dit par l'entremise de tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël fut transféré de sa terre chez les Assyriens jusqu'à ce jour. Or le roi des Assyriens amena des habitants de Babylone, de Kouta, d'Ava, d'Emath et de Sépharvaïm, et les établit dans les villes de la Samarie, en la place des enfants d'Israël. Et ils possédèrent la Samarie et habitèrent dans ces villes. Or, lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas le Seigneur. et le Seigneur envoya contre eux les lions qui les tuaient. On l'annonça au roi des Assyriens, et on lui dit, « Les nations que vous avez transférées et que vous avez fait habiter dans les villes de la Samarie ignorent les lois du Dieu de ce pays. Et le Seigneur a envoyé contre eux les lions qui les tuent, parce qu'ils ignorent le culte du Dieu de ce pays. » Aussi le roi des Assyriens ordonna, disant, « Envoyez là l'un des prêtres que vous en avez amené captif, qu'il aille et habite avec eux, et qu'il leur apprenne les lois du Dieu de ce pays. » Ainsi, lorsque fut venu l'un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie, il habita à Bethel, et il leur apprenait comment ils devaient honorer le Seigneur. Mais chaque nation se fabriqua son Dieu, et elles le mirent dans les temples des hauts lieux qu'avaient faits les Samaritains, chaque nation dans ses villes dans lesquelles elle habitait. Car les hommes de Babylone firent Sokhot-Bénoth, mais les hommes de Chuta firent Nerkel, et les hommes d'Hermat firent Asima. Or les Évéens firent Nébahaz et Tartak, mais ceux qui étaient de Sépharvaïm brûlaient leurs enfants au feu, en l'honneur d'Ardamélec et d'Anamélec, dieu de Sépharvaïm. Et néanmoins ils adoraient le Seigneur. Mais ils se firent des derniers d'entre eux des prêtres des hauts lieux, et ils les établissaient dans les temples des hauts lieux. Ainsi, quoiqu'ils adorassent le Seigneur, ils servaient aussi leur Dieu, selon la coutume des nations du milieu desquelles ils avaient été transférés en Samarie. Jusqu'au présent jour, ils suivent leur ancienne coutume. Ils ne craignent point le Seigneur, et ne gardent point ses cérémonies, ses ordonnances, ni sa loi, ni le commandement qu'avait prescrit le Seigneur aux enfants de Jacob, qu'il surnomma Israël. Et il avait fait avec eux alliance, et il leur avait commandé, disant, « Ne craignez point les dieux étrangers, ne les adorez point, ne les servez point, et ne leur sacrifiez point. Mais ne craignez que le Seigneur votre Dieu, qui vous a retiré de l'Égypte par une grande puissance et par un bras étendu. N'adorez que lui, et ne sacrifiez qu'à lui. » Les cérémonies aussi et les ordonnances, et la loi et le commandement qu'il a écrit pour vous, gardez-les afin que vous les pratiquiez tous les jours, et ne craignez pas les dieux étrangers. Et l'alliance qu'il a faite avec vous, ne l'oubliez point, et n'honorez point les dieux étrangers. Mais craignez le Seigneur votre Dieu, et il vous arrachera lui-même à la main de tous vos ennemis. Or ils n'écoutèrent point, mais ils agissaient selon leur ancienne coutume. Ainsi, ces nations ont craint à la vérité le Seigneur, mais néanmoins elles ont servi leurs idoles. Car leurs fils et leurs petits-fils font jusqu'au présent jour comme ont fait leurs pères. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.